Certains rêvent d'être acclamés par la foule. Certains rêvent d'être acclamés par la foule. Par la foule. Certains rêvent d'être acclamés par la foule. Moi sur l'instru je libère mes émotions refoulées. Et pour dire je t'aime je suis pas très doué. Au lieu de parler je préfère le prouver. Si je te donne mon cœur, ce n'est pas qu'à moitié. Je suis comme sur un petit nuage. Quand j'écris sur des pages, ma plume a réussi à calmer ma rage. C'est comme si je rentrais dans une autre dimension. Y'a qu'elle et moi et pour quelques instants le régie fait plus attention. Ta conception de la vie est différente de la mienne. C'est pas grave tant que c'est la même envie qui nous entraîne. Et rejoins-moi si c'est des good vibes qui te mènent bien. On en a plus que besoin vu notre quotidien. Enfermé dans ma bulle, loin des parasites. Je suis bercé par l'instru, je vous laisse dans la panique. De toute façon on est programmé pour quelques années. On n'est pas destiné à rester. Est-ce qu'on se souviendra de toi, de moi, de nous? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ça m'arrive de me perdre des fois. On me dit de ne pas perdre la foi. L'homme est mauvais, mais l'homme c'est moi. Comment ne pas devenir fou? L'homme est mauvais, mais l'homme c'est moi. Comment ne pas devenir fou? Est-ce qu'on se souviendra de toi, de moi, de nous? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ça m'arrive de me perdre des fois. On me dit de ne pas perdre la foi. L'homme est mauvais, mais l'homme c'est moi. Comment ne pas devenir fou? L'homme est mauvais, mais l'homme c'est moi. Comment ne pas devenir fou?